Ça s'interprète pas, savoir. C'est un état, savoir, en plus. C'est un état qui peut se manifester comme étant de la connaissance, mais en lui-même, c'est un état, savoir. Quand tu es dans cet état-là, comment être les Chinois et les Russes se lancer à des tables? Ça change rien. Tu sais, oui. Tu sais quoi faire. Tu vas savoir quoi faire. Mais ça prend de l'intelligence et de la volonté pour en arriver à savoir. Parce que ce qui bloque le savoir dans l'homme, c'est l'émotion et l'intellect. Autrement dit, tout ce qui n'est pas intelligent. Tout ce qui n'est pas volontaire. Mais la partie qui ne sait pas, elle a un maudit défaut. La partie qui ne sait pas, elle veut savoir. C'est ça qui engendre en elle une sorte d'hallucination pour l'avenir. Ça crée un mirage. Puis tout d'un coup, l'avenir vient, puis il n'est pas comme elle avait préconçu. Ça crée un choc. Fait qu'éventuellement, elle s'écœure, puis elle s'écœure, puis elle s'écœure, puis elle s'écœure. Puis éventuellement, la partie qui ne sait pas, elle ne veut plus rien savoir. Là, elle commence à savoir. C'est même, ça marche. Non, mais ça veut dire. Comprends ça, ce mécanisme-là, un peu de ça. Ah, la suspension dont vous parlez, qui est fatigante. Puis éventuellement, tu as sans plus la suspension, parce que tu es toujours suspendu. Quand tu es toujours suspendu, tu as sans plus la suspension. C'est quand tu as sans, c'est quand tu es suspendu de temps en temps que tu as sans. Mais quand tu es tout le temps suspendu, tu as sans plus. Puis, quand tu as sans plus, tu es bien. Mais on est bourré de mauvaises habitudes qu'on considère comme positives, comme avantageuses, comme normales. Il n'y a rien de normal dans l'homme. L'homme est un être anormal. Puis la preuve qui est anormale, c'est qu'il est inconscient. L'homme est un être anormal. Les choses les plus normales que vous pouvez penser dans votre tête sont anormales. Le fait que vous pouvez les penser sont anormales. Le fait que vous pensez est anormal. Fait qu'il m'a dit qu'on est anormal. C'est normal. Quoi? L'homme inconscient d'être comme ça. Ça devient sa normalité. Demandez ça au psychologue. C'est ça. C'est ça. Ça devient sa normalité. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est ça. On est comme des chats. On se tire la queue. Puis vivre dans la normalité comparative avec l'homme inconscient, ça demande une certaine sorte de résistance. Puis c'est là qu'on développe de la simplicité. Il faut absolument que l'on devienne anormal vis-à-vis l'homme inconscient pour devenir normal vis-à-vis soi-même. Ça, il n'y a pas. Vous avez pas. Il n'y a pas deux routes là-dedans. Il n'y en a qu'une. C'est ce qui se produit. Plus on avance, bien, plus on devient anormal. Plus on se voit anormal. Plus on se réalise anormal. Moi, il s'est rendu que le pianiste qui vient donner des cours à ma petite, il vient me voir. Puis moi, je n'ai même pas parlé encore. Il me dit, il est allé voir ma femme une fois. Ma femme voulait aller le conduire parce qu'elle n'a pas son char. Puis il dit, je peux-tu vous parler un petit peu? Puis là, il commence à y expliquer à ma femme qu'il est anormal. Ben, tu sais, bien normal. Il était content, je pense qu'il l'a remplacé. Mais il était tellement. Il était trop normal de l'embrasser. S'il avait été anormal comme moi, il l'a remplacé. Mais sa normalité l'empêchait de l'embrasser. Mais tu comprends comment ça marche? On est anormal. Elle confirmait tout ce qu'il sentait. Elle confirmait tout son anormalité. Tu penses qu'il n'est pas fou comme normal, mais aujourd'hui, il est content. Comprends? Puis moi qui ai d'un gars bien normal, ma femme a d'être une femme bien normale, on se fait. Alors, on se fait automatiquement les avocats du bien-être de ce bonhomme-là. Il est content. Il y a deux êtres à la tête qui comprennent. Puis on l'aide normaux. S'il savait comment j'étais normal, il paniquerait, puis il est pas prêt. Fait que j'ai dit à ma femme, ferme ta gueule, confirme si c'est la normalité, mais pas dis pas de la note. C'est ça de l'intelligence. Mais on a peur d'être anormal. Ça nous inquiète. Il y en a qui ça les inquiète moins, parce qu'il y en a qui sont les vieux de la vieille. Comme le sel est anormal, mais lui, c'est normal. Mais pour les gens qui commencent, c'est tough. Puis il y en a d'autres qui sont anormales, puis ils savent qu'ils sont anormales, puis ils sont contents d'être anormales. Seulement, ils ne réalisent pas que dans leur contentement d'être anormal, il y a encore de la normalité. C'est délicat, là. Là, ça commence à être touchy, rendu à ce point-là. Quand tu es anormal, que tu es réellement anormal, tu es absolument anormal, tu ne peux pas te permettre aucune normalité. Il faut que tu sois consistant dans ta folie. Qui est ta sagesse. Fait qu'à ce moment-là, quand tu es bien anormal, que tu sais que tu es anormal, là, ben, tout ce que tu sais, c'est ça. Puis tu vis de ça. Puis on s'en va vers ça. Fait que c'est normal qu'on se sente un petit peu en suspension des fois, parce qu'on s'en va de plus en plus vers la normalité. Qui est la mesure même du surhomme. Normalement, ça va bien de se sentir comme ça parce qu'on a un peu de référence. Quand on vient le voir, ben, on sait que les états qu'on vit, ça a été pincant, tu sais. Dire, si on est anormal à certains niveaux, c'est anormal. Tu nous confirmes que c'est normal d'être anormal, d'accord? Ouais. Mais quand on va tomber tout seul, là, c'est à ce niveau-là que je me demande. On va se sentir. Ouais. Mais rendu dans 3-4 ans, vous allez être pas mal anormal. On ne peut même pas développer une importance de ça. C'est ça. C'est normal de se sentir de même. Mais éventuellement, vous allez être tellement normal que vous ne vous sentirez plus ça. Parce que il y a une expérience très intéressante dans l'homme anormal. Dans l'homme affranchi. C'est qui est affranchi? On est bien quand on est affranchi. Vous avez des petits moments, des fois, que vous sentez votre anormalité comme étant la normalité. Vous vous sentez bien. Hein? Seulement, ça ne dure pas tout le temps. Mais éventuellement, ça dure tout le temps. C'est standard. Mais il y a un prix à payer pour notre abnormalité. C'est la destruction de notre normalité. Puis la destruction de notre normalité, elle ne peut pas se faire d'instantanément, elle se fait petit à petit. Sans ça, ça serait bien trop difficile. Ça serait insupportable. Même déjà, c'est difficile. J'ai envie. La même enfant, quand elle a le visage, là, elle l'a là. C'est sérieux, son affaire, là. Je la comprends. Quand on a notre top, on a notre top. Il ne faut pas en faire plus. Le savoir, ce n'est pas la quintessence de l'homme. C'est la quintessence du surhomme. La quintessence de l'homme, c'est la conscience. Pas le savoir. Puis quand tu as conscience, déjà, tu as accès à beaucoup de savoir. Mais pour que tu le réalises, il faut que ton émotion puis ton mental soient suffisamment ajustés au supramental pour pouvoir aller chercher par toi-même ce que tu as besoin de comprendre. Mais les gens n'ont pas tout encore la faculté, la vertu, si vous voulez, d'aller chercher en eux-mêmes ce qu'ils ont besoin de comprendre, parce que les gens ne vivent pas encore la vie supramentale. Les gens vivent encore beaucoup la vie philosophique, la vie psychologique. Mais ils ne vivent pas la vie supramentale. La vie supramentale, c'est une vie créative. Quand la vie psychologique et la vie philosophique, c'est une vie totalement Ils veulent pas dire végétative, parce qu'il y a une partie d'eux autres là-dedans. Mais ils appellent ça du végétatisme dynamique. L'inconscience qui bouge. Exactement. C'est ça. C'est l'inconscience qui bouge. Moi, je suis bien près d'eux autres. Hein? Je suis bien près d'eux autres. Si vous, si vous étiez un petit oiseau, vous rentriez dans ma tête, vous verriez qu'il ne se passe pas grand-chose dans ma vie. Bien moins que vous autres. Vous autres, vous êtes bien plus occupés que moi. Pas sérieux. J'ai une vie absolument simple. Mais la seule chose, c'est qu'elle est bien volontaire et bien intelligente. Quand je fais un mouvement, c'est toujours pour mon bien-être matériel. Je m'occupe pas de mon évolution. Puis il y a toujours une volonté derrière. Fait que comme ça, je vis une vie qui est simple, qui est ma vie à moi, comme je la veux. Mais il n'y a pas de grand mouvement dans ma tête. Il y a beaucoup de l'encausse du mouvement à l'extérieur. Mais dans ma tête, il n'y en a pas. Quand la partie qui se vient, parce que tu es née assez souvent, quand le contenu que tu as pu chercher, comme moi, je l'ai dit ça à un moment donné, j'ai eu l'illusion que j'abandonnais. Que je lâchais. Ça a été dur en moi. Tu sais, quand tu t'aimes, tu peux toujours te dire, tu fais attention à la vie. Oui, oui. Tu fais des choses, que tu sois positif. Ça, c'est pas qu'à l'affaire, mais on a mis les gars. Tu peux en faire, mais pas qu'à d'affaires. Tu peux être productive, tu peux être créative, mais pas pour les mêmes raisons. Pour des raisons de balancement de tes vibrations. C'est évident que si tu as bien d'intelligence créative, bien de la volonté, tu peux en faire bien des affaires. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est plus pour des raisons psychologiques ou des raisons philosophiques que tu le fais. Tu le fais pour des raisons vibratoires. Comme tu manges pour des raisons vibratoires, tu fais l'amour pour des raisons vibratoires, tu fais des choses pour des raisons vibratoires. Tout est énergétique. C'est plus psychologique. C'est de se décrocher de la psychologie qu'on a la difficulté. Parce qu'on cherche toujours des raisons. Dans le mot douce operandi, notre esprit, notre ego. On cherche toujours des raisons. Il faut toujours qu'on ait une raison pour faire quelque chose. Pas une raison pour faire quelque chose. Tu fais quelque chose dans une intelligence d'une nécessité de ce quelque chose-là. Tu bâtis une maison, il faut que tu aies un abri. Tu manges si tu as faim. Non, il y en a qui mangent parce qu'ils ont analysé que s'ils mangent, ça descend dans le ventre, ça fait quelque chose. Il y en a qui analysent. Puis c'est là qu'on perd de l'énergie et qu'on perd du temps. C'est pour ça qu'on n'a pas accès à notre intelligence, parce qu'on ne permet pas à notre intelligence et à notre volonté de se libérer instantanément dans la pulsation des forces de vie. Quand je dis, moi, aux gens, votre vie, ce n'est pas de vos affaires, je veux dire une chose. Je veux dire, arrêtez de vous inquiéter et de vous occuper de votre vie sur le plan psychologique. Vivez-la sur le plan intégral, votre vie. À ce moment-là, votre vie va devenir une manifestation de vos affaires intérieures, autrement dit, de votre intelligence et de votre volonté. Votre vie sera toujours à la mesure de ce que vous la voulez. L'intelligence, c'est ce qu'il y a de plus mystérieux dans l'homme. Puis le pire, c'est que l'homme ne réalise pas ce que c'est de l'intelligence tant qu'il n'est pas dedans. C'est quand tu es dedans que tu sais qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Avant ça, tu peux penser que c'est de l'intelligence, mais ce n'est pas de l'intelligence. C'est un reflet de l'intelligence dans ton intellect. Pas pareil. Puis ça peut être dangereux, ça. Un homme ne peut pas se permettre de penser qu'il est intelligent. Il faut qu'il sache qu'il l'est. Quand tu sais que t'es intelligent, c'est plus la même intelligence qui coule dans tes veines. C'est un autre sens. C'est une autre vibration. Mais tant que tu penses que t'es intelligent, tu ne peux pas être dans l'intelligence. Impossible. Puis pour savoir que tu es intelligent, il faut que tu le saches. Faut que tu le saches, faut que tu le sois. Tu sais, ça se tient ensemble. Tu peux pas jouer avec ça. Tu peux pas t'en donner de l'intelligence. Tu peux te donner des doctorats, mais tu peux pas te donner d'intelligence. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Tu l'auras quand tu l'auras. Mais quand tu l'as, tu l'as. Puis quand tu l'as, tu sais que tu l'as. Puis quand tu sais que tu l'as, tu l'as. Même mal. Ça s'enlève pas d'intelligence à quelqu'un. L'intellect, ça s'enlève. Des opinions. Tu vois ça dans le débat constitutionnel. Mais qu'est-ce que c'est la plus grande intelligence de la gang? Hein? Ça en fait-tu rouler les têtes? C'est de l'énergie d'intelligence. Fait que la plus haute vibration va toujours dominer la haute. On a eu une manifestation aujourd'hui. Comment tu rationaliserais, patati patata, le mouvement historique d'une société et d'une nation, ça se fait pas selon le bon plaisir d'un ego. Ça se fait selon des lois vibratoires qui sont dominées par l'intelligence cosmique, par des réseaux humains individualisés. À la télévision, on peut pas tellement sentir le mouvement d'intelligence, parce que la télévision, c'est une image virtuelle d'une réalité. Mais quand tu es dans une chambre à 10 ou à 8 ou à 9, tu vois le mouvement de l'énergie. Je te jure que n'importe. C'est l'intelligence prédominante qui doit prédominer. Je peux pas parler en public, mais en tout cas. Trudeau, c'est un cerveau. C'est ce que je veux dire. Tu es bien fin, Trudeau, c'est un cerveau. Tu es bien sincère, mais Trudeau, c'est un cerveau pareil. Les hommes sont des outils quand ils sont inconscients à l'énergie qui passe par le cerveau. Mais inconscient, tu ne peux plus être un outil. Tu dois t'outiller de cette énergie. C'est ça la différence entre un homme conscient et un homme inconscient. Tu dois l'utiliser, cette énergie-là. Tu l'utilises pour quoi? Tant que tu es dans le matériel, tu l'utilises simplement pour une chose, te désengager totalement de ce qui n'est pas intelligent. Au fur et à mesure que tu avances. C'est pour ça que l'homme qui utilise, qui s'utile de l'intelligence et de la volonté cosmique sur un plan matériel, comme tous les initiés, puis comme tous ceux qui ont compris des choses, Gurdjieff, par contre, en outre, quand il y a eu la révolution en Russie, Gurdjieff a pris ses chums, il a sacré son camp dans les montagnes. Puis quand la révolution était finie, ils sont revenus. Ça, c'était des gens. Au lieu de se faire couper par des balles, ces champs de bataille, au nom d'une fausse représentation qui avait de l'allure sur le plan historique, mais sur le plan individuel qu'il n'avait pas. C'est toujours le même. L'intelligence n'a jamais servi à l'homme. Parce que l'homme ne s'en est jamais servi. La volonté n'a jamais servi à l'homme parce que l'homme s'en est jamais servi. Alors, l'homme a été obligé de se servir de quoi? De son intellect puis de sa petite volonté qui est basée sur son corps de désir. Fait qu'automatiquement, il a été sapé dans ses racines, dans ses forces vitales, puis il est devenu la partie qui ne sait pas. Ou la partie qui sait ce que les autres parties qui ne savent pas savent. Ou qui pensent qu'ils savent. C'est un cercle vicieux. Mais quand tu rentres dans l'intelligence, tu es obligé de t'en servir. Parce que quand elle rentre dans tes corps, elle te fait vibrer en maudit. Elle te fait faire des actions que tu ne vivras pas si tu n'étais pas dedans. Elle est maudite, l'intelligence. Surtout quand elle communique mentalement avec toi. Puis qu'elle s'occupe de tout ton réseau extraordinaire de pensée subjective, puis elle dit « Fais ça! Fais ça! Fais ça! Fais ça! Fais ça! Fais ça! Puis fais ça! » Puis tu fais ça tout d'un coup que t'as pas même la volonté de pas le faire tant que t'es intégré à elle. Oh, c'est mieux d'avoir des reins solides. Au début, elle n'est pas capable de faire ça parce qu'il y a des buffers entre vous autres, puis elle, il y a des buffers, il y a des émotions, puis il y a des pensées subjectives. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Alors, comment elle dit qu'elle fait ça? Je vais dire, wow, laisse-toi tranquille. Ça, c'est le buffer. Mais quand tu es fusionné à elle, Charlie, inquiète-toi pas, quand elle dit, fais ça, avant que pas besoin de te le dire, elle te le fait faire, c'est quand elle te le dit. Tu le fais, tu sais que c'est ça. Fait qu'automatiquement, il faut que tu aies les reins solides pour absorber le backlash, s'il y en a, de ton action. C'est ça de l'intelligence. Fait que là, elle rentre, puis éventuellement, mais t'es ing dedans. Tu peux pas être en dehors d'elle. T'es dans sa volonté, puis tu peux pas être en dehors d'elle. Fait qu'automatiquement, rendu à ce point-là, tu t'inquiètes plus si les Russes vont se lancer des tomates avec les Américains. C'est mystérieux, l'intelligence. D'ailleurs, quand l'homme va découvrir qu'est-ce que c'est l'intelligence, il va découvrir qu'est-ce que c'est l'énergie de l'esprit. Laisse-moi dire que c'est quelque chose, l'énergie de l'esprit. L'énergie de l'esprit, le pouvoir de l'esprit, la puissance de l'esprit. Fait que la partie qui ne sait pas, elle doit être imprégnée de la partie qui sait bien lentement, sans ça, paniquerant. Mais elle panique anyway. Parce qu'un petit peu d'intelligence ou un petit peu de cette énergie-là, c'est un gros peu. Un petit peu, c'est un gros peu. Mais on a un avantage quand on commence à savoir, c'est qu'on a l'avantage de savoir qu'on commence à savoir. C'est un gros avantage. Quand tu es inconscient, tu ne peux pas avoir même l'impression de commencer à savoir. Parce que tu es en dehors de l'intelligence. Tu es en dehors de sa volonté. Tu es en dehors de la vibration. Mais quand tu commences à savoir, quand tu commences à sentir que tu sais, c'est toute une situation dans la vie de l'homme. Ça n'en prend pas gros, bien, pour changer un ego. Ça en prend un petit peu. Ça ne demandez pas trop. Même toi, si vous n'avez rien gros peu, ça vous briserait fiou. C'est pas comme manger des tapes. Non, c'est pas comme manger des tapes. On en sourit, mais on sourit un petit peu à fois. Un petit peu à fois. Mais ça, c'est sa pénétration. Vous pouvez vous plaindre. Mais du moment que vous vous plaignez à la source, et non que vous vous plaignez contre vous-même. Parce que si tu te plains à la source, automatiquement, la source, ça va te répondre. Mais si tu te plains à toi-même, elle ne te répondra pas. Ça, c'est le grand secret. L'évolution de l'âme. Commencer à te plaindre de la source au lieu de te plaindre de toi-même. Fait que là, tu commences à te libérer psychologiquement de toi-même, puis philosophiquement de toi-même, puis tu commences à te libérer de toutes tes petites bébites. De toutes tes petites inquiétudes, tes petites anomalies, puis tes petites ci, puis tes petites ça. Puis là, tu commences à réaliser que t'es bien correct. C'est elle qui l'est pas. Mais dans le fond, elle l'est. C'est qu'elle essaie de t'agrandir dans ta correctitude. Fait qu'après 10 ans, 15 ans, tu commences à être pas mal correct. Quand le temps vient que les Chinois se lancent des tapes, puis d'autres êtres viennent d'autres mondes, tu connais la game, puis t'es prêt, puis tu rentres dans une autre évolution. Mais il faut pas que tu t'occupes de ça avant le temps. Sans ça, tu vas jouer la game, la partie qui sait pas. Puis qui fait se donner l'allure, ou l'illusion, ou l'impression qu'elle a mis le doigt sur quelque chose qu'elle devrait savoir. Puis qu'elle peut pas savoir anyway. Parce que c'est pas de ses affaires. Ses affaires, c'est de vivre sa vie sur le plan matériel en toute conscience de son intelligence et de sa volonté jusqu'à temps que les temps changent. On a tendance, à cause de nos émotions et de notre intellect, à diminuer le pouvoir de l'intelligence en nous autres, automatiquement. On le diminue. Puis on le diminue, puis on le diminue, puis on le diminue. Mais elle, elle travaille. Puis si elle ne t'accroche pas le jour, elle va t'accrocher dans la nuit. Ben, elle va t'accrocher. Puis un jour, elle va t'accrocher le jour, parce qu'il faut qu'elle descende dans le jour. Elle ne peut pas rester dans la nuit. Elle ne peut pas rester dans l'astral. Il faut qu'elle descende. Puis elle descend. C'est beau d'être les gens. Ben beau. Pas comme ce que vous pensez. Savez-vous pourquoi c'est beau d'être les gens? C'est parce que c'est parfait. Ça, c'est beau. Ça se trompe pas. Ça, c'est beau. Ça n'a rien à faire de personnalité d'être les gens. C'est beau parce que ça se trompe pas. Puis c'est parfait. Puis c'est infini, puis c'est éternel, puis ça n'a pas de fin. Nous autres, il faut qu'on se tourne à ça. Donc, c'est pour ça qu'on vit des suspensions. Si je vous disais que l'intelligence, elle ne se décrit même pas. Ça n'a pas de limite. Quand je dis que l'intelligence, ça n'a pas de limite, je dis que l'intelligence, ça n'a pas de limite. Puis c'est facile pour moi de concevoir que l'intelligence n'a pas de limite. Ben, je pense pas. Mais vous autres, vous pensez, vous automatiquement, vous y en donnez des limites à l'intelligence. Puis vous ne réalisez pas. Puis les limites que vous donnez à l'intelligence, c'est vos pensées. Si vous n'aviez pas de pensée, vous seriez dans l'intelligence. Par vos pensées, que vous limitez votre intelligence. L'intelligence. Je vais vous donner un exemple. Je vais faire une cassette sur la télévision. La jalousie, c'est un manque d'intelligence. C'est un manque d'intelligence. Quelqu'un qui est intelligent, c'est pas jaloux. Parce qu'il comprend toutes les conditions de son lien ou de sa vie avec une autre personne. Il les comprend dans le cadre de l'intelligence qui éclaire la condition de sa vie. Quand il est inconscient, mais là, c'est des émotions qui rentrent en jeu, puis des pensées qui rentrent en jeu. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Mais quand tu es intelligent, tu ne peux pas souffrir, vivre de jalousie. Puis si tu regardes tous les aspects, toutes les activités de l'homme, toutes les choses qui créent de la souffrance dans l'homme, ouais. On rappelle toujours ça à des vertus ou à des défauts. Mais dans le fond, c'est tout un manque d'intelligence. Un homme qui est intelligent n'a aucun défaut et aucune qualité. Justement pour cette raison, c'est qu'il comprend les aspects de lui-même d'une façon intégrale, jamais d'une façon partielle, jamais d'une façon non intégrée, jamais d'une façon partielle. Parce qu'il y a une différence entre partiel et partiel. Partiel, c'est tout ce qui nous plaît, puis partiel, ce qui n'est pas totalement contenu dans la compréhension instantanée d'un tout, qui est réfléchi dans une intelligence parfaite. Alors, dans la jalousie, il y a toujours l'expression d'un partiel et d'un partial. Le partiel, qui est la possession, et le partial, qui est l'incompréhension totale de soi-même vis-à-vis l'autre, pour les raisons d'un manque d'intelligence. De toute façon, l'homme qui est dans l'intelligence ne peut pas vivre la jalousie parce qu'il n'y a aucune insécurité. Exactement. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de cadre d'intelligence. Exactement. Mais pour rapporter le point à... Tu peux tout rapporter les défauts de l'humanité, de l'homme, au manque d'intelligence, si les hommes étaient intelligents. Ça n'existera pas, ces affaires-là. Automatiquement, les hommes n'auraient pas les différences existentielles qu'ils connaissent. L'ego inconscient vit constamment d'amertume, mon ami. Constamment d'amertume, amertume vis-à-vis du patron, amertume vis-à-vis l'Église, amertume vis-à-vis la politique, amertume vis-à-vis le mari, amertume, amertume, amertume. Tu peux pas vivre d'amertume. Mais pour ne pas vivre d'amertume, il faut que tu vives dans l'intelligence et la volonté. À ce moment-là, s'il y a une condition qui créerait de l'amertume, tu marches dedans. Au final, il n'y en a plus d'amertume. Puis éventuellement, il n'y en a plus d'amertume. Tu regardes au-dessus du lac, puis il n'y a aucun nuage. C'est de l'eau de cœur. Mais ça prend de la maudite volonté qui donne de l'intelligence, qui donne en retour de la volonté. Puis c'est une spirale, Charlie. Puis il n'y a pas de limite à l'intelligence et à la volonté. Puis si un jour l'intelligence et la volonté veulent se manifester dans la matière, puis qu'elle a fait quelque chose, moi, ça en a. La chose, ça s'en va là. Si l'intelligence et la volonté dans la matière, qu'elle leur donne au corps de se dématérialiser, elle leur donne, puis ça va. C'est de même l'intelligence puis de la volonté. C'est cosmique. Ça fait partie de l'homme. Mais en attendant, on est comme des chevaux de course. On trotte. Puis on trotte. Mais il faut que le cheval, un jour, arrête de trotter. Puis qu'il avance à un pas régulier. Puis qu'il accélère son pas. Puis qu'il développe éventuellement une course suffisamment puissante qui lui permet dans sa vie de tous les jours d'être toujours en action créative, volontaire, intelligente, vis-à-vis quoi que ce soit. Mais ça, c'est ça qu'on vit. C'est ça que vous vivez tous les jours, puis que vous vivrez jusqu'au temps où vous devrez le vivre. C'est ça qui vous affranchit de votre passé, c'est ça qui vous affranchit de votre mémoire, c'est ça qui vous affranchit de vos sentiments, c'est ça qui vous affranchit de vos jalousies, de toutes les qualités d'amertume dans la vie de l'homme. Après ça, ben, t'es bien dans ta peau. On a énormément de leçons à apprendre de la vie jusqu'au jour où on est tellement dans l'intelligence puis la volonté qu'on n'est plus. On n'est plus! Parce qu'on a détruit l'énergie de l'âme. Faut que ça soit détruit, l'énergie de l'âme, un jour. Parce qu'on n'a jamais rien compris, l'âme. On a toujours spiritualisé son entité, puis on a toujours mis notre ego à sa disposition pour des raisons de vertu, des raisons spirituelles, des raisons de religion, des raisons de philosophie. C'est pour ça que Nietzsche, quand il est venu à la fin du siècle dernier, dans sa philosophie un peu barbarique, mais extrêmement puissant. Il y a un âge de l'air. Puis qui a emprunté sa philosophie? Pas les forces spirituelles de la planète, les forces occultes sataniques. C'est bien sacrament, mais c'est le même. Pourquoi? Parce que quand vient un homme qui domine les passions du savoir d'une race, ce sont toujours les plus forts, autrement dit, ceux qui veulent être victorieux, qui se servent des fleurons de son intelligence. Ça a été Hitler, Wagner. Le Vatican a refusé de contempler même les possibilités d'un grand philosophe dans la personne de Pierre-Théodore de Chardin. Qu'est-ce que tu veux faire avec des organismes raciaux, civilisateurs, spirituels, mais qui sont dominés par une émotion qui tremblote dans leur esprit. Il n'y a rien à faire. Rendu à un certain moment dans l'histoire de l'homme, tu es obligé de mettre la hache, séparer les faux des vrais, séparer la cinquième de la sixième. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. C'est bon. Puis ensuite, on dit que tu es maudit, puis tu es ici, puis tu es ça. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Nietzsche est venu fou parce qu'il sentait trop. Mais il ne comprenait pas assez ce qu'il sentait. C'est toi qui as craqué. Mais ceux qui sentent un peu, Il craque pas, il meurt, c'est 90 ans. Turner, on n'a jamais entendu parler de Turner. Qui c'est qui a compris Turner? Lui, il est à l'école, il fait partie des écoles du système scolaire. Il n'a jamais entendu parler de Turner. Je parle pas de Turner, je parle de Turner. Je te donnerai son nom, Carl Turner. Je te passerai un livre de lui un jour. Les gars qui ont dit, les gars qui avaient quelque chose à dire quand c'était le temps, on les connaît pas. On a liquidé les livres de ces gars-là. Tout le temps. C'est tout le temps. Parce que quand tu vas dans une librairie du Congrès aux États-Unis, pis tu vas chercher des livres parce que tous les livres sont là, puis que t'as le flair, t'en trouves des livres que tu trouves pas à la librairie de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Mais tous les gens n'ont pas cet avantage d'avoir du flair. Ça fait partie de l'évolution, ça aussi, avoir du flair. Puis quand t'es inconscient, t'as du flair, tu souffres. Parce que t'es anormal. Mais tu ne sais pas que t'es anormal. Tu peux pas l'apprécier que t'es anormal. Parce que tout le monde est normal. T'es pas encore dans ton intelligence. Fait que tu souffres. Mais un jour, quand tu commences à comprendre que t'es anormal, puis c'est normal d'être anormal, là, tu commences à réaliser que le flair que t'avais, c'était pas mal. C'était au bout. Fait que là, tu dis au gars, ce livre-là, c'est important, puis ce livre-là, c'est important, puis ce livre-là, c'est important, puis là, tout le monde commence à se lancer là-dedans. T'sais. Qui c'est en science qui lisait Tesla? Personne ne lisait pas Tesla. On mettait ça en dessous des tapis, Tesla! Oh. On respecte la mémoire de Edison. Puis belle. Mais qui a donné l'idée à Graham Bell pis à Edison? C'était cela. Vaut plus la merde, c'était cela. Fait que là, il y a des gens qui sont capables de corriger le record. Là. Les Russes sont en, sont en train de fonder une science psychotronique fondée sur Tesla en Russie. Les Américains viennent de se réveiller. Là, ça fait 5-6 ans à cause des efforts d'un certain nombre de personnes. Le Tesla, ça commence à être important. Là. Quand tu commences à faire des avions, puis tu dis, ah bon, va-t'en par là, parce que ça va par là, ça commence à être important, Tesla. Là. Hein? Et donc, chier. Donc, vous n'êtes pas assez mauvais, vous autres, en gros. Vous n'êtes pas assez encore dans votre furie, vous n'êtes pas encore dans votre feu, parce que vous n'avez pas de feu. Puis vous ne pouvez pas être dans votre feu tant que vous ne serez pas dans votre feu, puis vous ne pouvez pas emprunter mon feu, parce que ça va sortir comme une petite lampe de croche. Et quand vous serez dans votre feu, vous serez dans votre feu. Mais quand vous serez dans votre feu, vous ne serez plus intéressé à allumer les chandelles des autres. Je vous le dis aujourd'hui en 1980. Moi, j'aimerais ça faire de la politique. Je dis j'aimerais ça parce que je sais que je serais capable d'en faire. C'est le fun de parler. C'est le fun quand t'es dans ton feu. Mais le feu, il descend puis il se construit. Ça prend du matériel qui brûle. Le matériel, c'est l'émotion puis l'intellect. C'est ça qui crée le feu. C'est le combustible de l'intellect puis de l'émotion, le feu. Il brûle ça. Il détruit les formes de ça. Fait que ce qu'il reste, ça flamme. Puis ça chauffe en mousse. L'homme peut pas vivre une vie quand il est inconscient, une vie désaltérée. L'homme est obligé d'être nourri, puis nourri, puis nourri constamment quand il est conscient. Constamment. Soit qu'il se nourrisse en parlant, ou qu'il se nourrisse en écrivant, ou qu'il se nourrisse d'une façon, mais il faut qu'il se nourrisse. Quand les hommes de la terre se nourriront de leur propre énergie, de leur propre intelligence, de leur propre volonté, je jure que ça va se répandre. Ça prend le temps que ça prend. Comment ça prend 2500 ans, c'est court? Mais c'est dans l'individu qu'il faut que ça soit réalisé et non à l'échelle raciale et historique. Sans ça, tu tombes dans le temps, puis là, tu commences à tomber dans la frénésie de l'intellect et des émotions. On vient sur la Terre, on entreprend à un certain âge de découvrir le réel de la vie. Puis quand on est arrivé à ce point-là, pour des raisons souvent qui nous dépassent, on est obligé d'enjamber le pas. C'est comme une armée. Tu sais, quand un général déclare une loi martiale, tout le monde rentre, mais c'est la même chose, c'est ce qui se passe au niveau cosmique. Puis il y a un certain nombre d'individus sur la planète qui rentrent dans les rangs de tout ça. Ça, c'est l'homme de la sixième race. Comment il t'a pas fait de demande? Tu rentres pareil. Il demande pas. Non, il demande pas. Puis il y a des gens qui sont tellement encore dans leur ego qui se demandent comment ça se fait qu'ils ont eu la chance, eux autres, de rentrer dans l'armée. Pourquoi moi, je suis rentré dans l'armée? C'est de l'énergie. C'est une vibration. Il donne naissance à une conscience. Il donne naissance à l'intelligence. Ah ouais. On se décourage, ça c'est normal. Normal, ça me décourage. L'autre, c'est l'ego, il est bien content. Il ne passe pas, il n'est pas content. Il passe, pourquoi ça lui passe? Tu passes à la fin de la gosse dans la dent, ça remplit. Continue pour un autre quelques minutes. Sur le pap. Je vous garde. Mais un jour, les pompes vont fermer, vous êtes venu d'avoir votre propre système à vous autres. La crise du pétrole, c'est en 1984. C'est assez intelligent à ce moment-là que tu développes ton propre carburant. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je parle dans notre volonté. Je vais parler sur la volonté. Comment est-ce qu'on peut mieux se brancher sur notre volonté? Vous ne pouvez pas vous brancher sur votre volonté. Pas plus que vous pouvez vous brancher sur votre intelligence. C'est l'intelligence qui te branche. C'est l'intelligence qui te branche. C'est la volonté qui force son pas. C'est les situations de vie qui se produisent, votre réalisation. C'est le concours des circonstances qui font vibrer votre violon, qui crée votre volonté et votre intelligence. C'est ça qui me parle, je pense. À un moment donné, tu es branché, tu dis une demi-journée, tu connais ça, tu as la conscience d'avoir vécu des petits quarts d'heure, puis après ça, tu fais ça. Mais dans le fond, c'est pas qu'il te laisse aller. Mais qu'est-ce qui se passe si arrive, là? C'est que toi, tu retombes à un niveau normal. Tu retombes dans ta vibration de tous les jours. C'est comme si ils te guirent, ils te font vibrer, là tu vibres. Là, il arrête de te faire vibrer. Là, quand tu te vibres, là, tu prends conscience. Ça, c'est tu prends conscience. Après ça, là, il arrête de te faire vibrer, là. là, tu perds conscience. Un jour, parce que on peut pas vivre toujours dans ce champ d'énergie-là. Il est tout le temps là, le champ d'énergie. Mais éventuellement, il faut qu'on soit tellement syntonisé à ça que rendu ici, on peut se relaxer. Sans ça, on devient des cordes de violon. Fait qu'un jour, mais ils te font vibrer, mais tu ne vibres plus. T'es bien. Il n'y a plus de souffrance. Quand ils vous font vibrer, c'est par le biais de votre corps émotionnel, de votre corps mental qui vous font vibrer. Mais quand c'est transmuté, ces affaires-là, puis vous êtes dans le supramental, ils ne peuvent plus vous faire vibrer. Fait qu'à ce moment-là, okay, ça marche tout le temps de même. Un jour, je suis là. Mais ils sont obligés de vous faire vibrer parce que vous avez toujours du matériel émotif. Vous vous accrochez à vos lignes. Autre chose sur vos lignes, constamment, constamment, constamment, constamment.